les poings serrés dans mon blouson. Je baisse la tête et je monte le son. Je me demande qui je suis et ai-je ma place au paradis. Putain de merde, mais qu'est-ce que je fous ici? Tellement d'années, de concerts, de drogue, de filles, mais je persévère. Ouais, comme un ange perdu en enfer. Mélancolie, toujours mon ami. Mal accompli ou mal fini, je déteste mes insomnies. Je me sens détruit, mal dans ce bruit. Seul aujourd'hui, manque de folie. Je regarde le monde, ma fureur gronde. À quoi beau faire, tout va de travers. À 25 piges, comme à 19, tu te sens con et t'écris ton recueil quand tu t'es fait voler ton portefeuille. Allez! Mais j'oublie.